Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui, un épisode un peu spécial car il s'agit de la captation audio de la Veillée, un événement mensuel organisé par l'Alterhostel, l'auberge participative qu'on adore. Vous pourrez ainsi profiter de trois récits d'aventure de Sam, Caroline et Justine. Je vous laisse en leur charmante compagnie, Let's Talk Venture à la Veillée. Salut tout le monde, ça va ? On commence tranquille ? L'histoire que je vais vous raconter commence au Laos, à Vientiane, en 2011. On est parti pour un an de tour du monde avec Lorine qui est là. Ça fait 3 mois qu'on est sur la route et l'idée en fait c'est de justement avoir le minimum d'idées avant d'arriver dans le pays, d'ouvrir la porte vraiment à l'inconnu. On n'a pas de projet, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Du coup, quand on se promène, on observe beaucoup et puis on essaye de saisir les occasions. Parce qu'on sait que c'est quand on n'a pas de plan qu'on trouve des super trucs et on fait des super rencontres. Et là, on tombe dans la rue, donc à Vientiane, la capitale du Laos, petit pays d'Asie où on n'a pas trop l'habitude d'aller. Sur un poteau électrique, il y a une affiche avec deux gars qui viennent de faire une descente du Mekong en kayak. Donc ils trônent fièrement avec leur embarcation. Et là, alors surtout moi, j'avoue que toi un peu moi, j'étais super emballé. Je me dis, on s'est dit du coup assez vite. Voilà une super occasion de visiter le pays différemment, de faire des rencontres un peu improbables, etc. Il y a un numéro de téléphone, on appelle, en fait c'est super cher. Mais on garde l'idée, parce qu'on se dit, ouais, c'est vraiment une bonne idée. Mais trouver un kayak au Laos, c'est un peu compliqué, parce qu'il n'y a pas de Décathlon par exemple, il n'y a pas de magasin comme ça. Donc c'est vraiment aller voir le maximum de personnes et puis espérer avoir un coup de bol, quoi. Donc nous, pendant une semaine, on lâche pas l'affaire. Limite un peu borné. Et en fait, on rencontre deux frangins qui sont chinois de mémoire, à Luang Nang Tha. C'est une ville qui est au nord du Laos, il n'y a pas grand monde. Et en fait, c'est notre seule occasion d'avoir un kayak. Sauf que le kayak, il est tout pourri. C'est ingonflable. Il nous le monte sur une petite rivière. On se rend bien compte que c'est pas le meilleur plan du monde. Et en même temps, c'est la seule occasion qu'on a. Donc, on trinque à l'alcool de riz. On négocie, mais très mal. Et puis, on l'achète. Je vais pas dire le prix, mais on s'est fait complètement avoir. Et on le rapatrie à Luang Prabang, qui est une autre ville au sud, d'où sont partis les deux gars qui étaient sur la photo. Et là, on est censé partir sur 10 jours. Pour 10 jours, comme eux. Donc ça s'est évidemment pas passé comme ça. On essaye de gonfler le kayak, on n'arrive pas. Parce qu'ils avaient mis une espèce de rustine autour, mais on n'a pas la technique, donc en fait, on part sous-gonflé. On ne connaît pas le fleuve, évidemment, c'est trop facile. Et le niveau du fleuve est très bas, et donc il y a plein de tourbillons, de contre-courants, il y a plein de rochers. C'est quand même pas très sécurisé, et on n'a pas de bidon étanche. Donc si les affaires tombent, c'est dans des sacs poubelles, et puis ciao les passeports, l'appareil photo, tout ça. On en a conscience, mais c'est quand même trop joli. Et voilà, ce que j'avais écrit, c'est que la passion l'emporte sur la raison, et on y va. Premier jour, nickel. Première nuit, nickel. Deuxième jour, un peu plus compliqué. Il y a des mouvements d'eau partout. On se pose des questions, mais bon, on avance. On a conscience qu'on ne fera pas 10 jours, on fera peut-être 20 jours. Parce qu'on n'avance pas très vite. Et là, donc on accoste pour la deuxième nuit. On a une tente, on ne sait pas trop dormir, mais bon, il y a des petites plages, c'est plutôt cool. Et là, il y a un vieux monsieur qui nous a entendu parler français, qui se rapproche de nous, qui vient nous voir et qui dit une phrase un peu comme ça, sortie d'un manuel scolaire. Quelle heure est-il à Paris ? Un peu improbable. Et en fait, on se dit, peut-être qu'il parle trop bien français et il va peut-être nous inviter. Et il rentre dans son village, nous on le suit. On le perd un peu de vue, donc il y a tout le village qui arrive. On a habillé un peu en quechua, faut le dire. Et au Laos, c'est un peu particulier. Et puis on le retrouve, donc il nous accueille chez lui avec sa femme. Ils sont très pauvres, c'est l'ancien instituteur à la retraite. Et on mange du bambou, du sticky rice et des œufs toute la soirée, comme ça, sur un tapis. Et c'est une des pires nuits de ma vie, je pense. Lorine m'avait dit, le bambou, fais attention, ton estomac, etc. Mais c'est quand même assez bon. On a trop faim, et puis c'est l'aventure. Et je me goinfre de bambou. Et du coup, une nuit horrible. Le matin, je me lève comme un zombie, pas d'énergie. Merci monsieur, merci madame, on s'en va et puis on reprend la route. Et en fait, on s'est un peu plus loin. Ça n'allait pas du tout. mais il n'y avait que cette voie-là, parce qu'il n'y avait pas de voie prochaine. Et là, on se tape un énorme tourbillon, mais vraiment un truc, on va l'appeler l'œil du Mékong. On arrive dessus, on n'a pas pu l'éviter, parce que le kayak sous-gonflé, ben, dur à manier. On se tape, et là, on est vraiment comme ça. Donc, Laurine devant, qui est au-dessus de la surface de l'eau, et moi, je suis au niveau du coude, et je vois l'eau qui est au-dessus de moi, qui tourne. Et donc, c'est un peu flippant. Et là, on a dû se dire « Ouais, pagaie, pagaie, pagaie !» On pagaie comme des fous, mais on tourne. On a un peu peur quand même. On s'en sort, on va sur la rive, et là, on se regarde, on est d'accord, tout de suite, on dit « Bon, on arrête de jouer au con. » Fin de l'aventure, surtout qu'il y a un pêcheur un peu plus loin qui nous fait comprendre avec des gestes genre grosse vague vers le pont là-bas et donc on arrête, on fait du stop pour retourner au niveau de la route principale. Aventure avortée, on continue le tour du monde, on a plein d'autres histoires, mais celle-là s'arrête là. Je fais un bond dans le temps, 3 ans après, là on est à Martigny, en Suisse. Je ne suis plus avec Laurine, je suis avec Romain, mon acolyte, alias Bichon. Donc le cadre magnifique, les montagnes enneigées, le Rhône, c'est important pour la suite. Et on est équipé vachement mieux que sur le Mékong. On a un kayak qu'on a appelé Hakuna Matata qui est en dur ce coup-ci, qui n'a pas de souci de gonflage. Et en fait, on s'est mis en tête dans un wagon-bar, je crois, dans un train. On s'est mis en tête de descendre de Rhône sur 800 km depuis la Suisse jusqu'à la mer Méditerranée pour monter l'Alta d'Ostel. Parce qu'on a eu l'idée, on s'est rendu compte que ça plaisait aux gens et qu'il y avait un marché sur Lyon. On n'avait pas de thunes. Donc on se dit, on va descendre en kayak sur 3 semaines, on n'est pas vraiment kayakiste, et on va lever un financement participatif conjointement à ça, on va faire de la com. Donc clairement, tout le monde nous prend pour des frappadingues, on nous dit c'est pas comme ça qu'on monte une boîte. On dit oui, c'est peut-être. Et puis très vite, on se dit, bah, limite, ça marche pas, tant pis quoi. Ce sera 3 semaines entre copains, et ça fera des bons souvenirs. Au moment de partir, on a une petite boule quand même, parce qu'on n'a jamais fait ça vraiment. Et on connaît un peu mieux le Rhône que le Mékong, mais c'est quand même un fleuve qu'il faut un peu dompter. Et bref, on est parti, donc ça n'a pas été simple du tout. Pas du tout, du tout, parce qu'on vit 24-24 avec quelqu'un qu'on connaît bien, mais pas autant que ça. À pagayer, donc c'était des coups de 40 km par jour, on avait des petits bras, c'était pas très costaud. Et ben on s'est détesté, on s'est adoré, on s'est retrouvé, enfin il y avait vraiment tous les sentiments mélangés. On en a chié parce que on a eu 19 barrages entre la Suisse et la mer Méditerranée. Et à chaque barrage, il fallait sortir le bateau de l'eau, il fallait le pousser et il fallait le remettre à l'eau. C'était 3 heures en moyenne. Donc, c'était même pas la pagaie le plus dur, c'était vraiment le côté. Franchir le barrage, quoi. On est passé à côté de la centrale d'Ambérieu-en-Bugey, ça c'était un grand moment. Donc on voit les gros réacteurs, on hallucine, on se sent tout petit, vraiment comme des fourmis. Et on met notre main en amont, on va dire 20 degrés, on met notre main en aval, plutôt 30 degrés. Donc là c'est flippant, puis il y avait des pêcheurs qui pêchaient, on disait là, faut pas faire ça, il y aura des poissons à 4 têtes, c'est bizarre. On s'est retrouvé scotché à Tournon-sur-Rhône, je sais pas si y en a qui connaissent, au sud de Lyon. Avec un vent de face de fou, qu'on n'arrivait pas à avancer. Ça, c'est un peu les anecdotes pourries. Et puis, on a eu plein de belles rencontres. On a dormi chez l'habitant en Camargue, par exemple, la dernière nuit qu'on fait. On passe Arles. On arrive en Camargue, donc à Camargue, il n'y a personne. Et là, on voit, un petit peu comme sur le Mékong, un Marocain qui lui fait des grands gestes comme ça. Et on se dit, putain, la dernière nuit, ce sera chez lui. Et il nous invite. Et c'est pas un cliché, hein. Je suis le Maroc. Couscous royal, vraiment. Et super accueil, on a halluciné, c'était vraiment un peu le symbole de l'expérience qu'on avait vécue. Une dernière nuit comme ça, c'était génial. Réveillé à 5h avec la prière, fantastique. Et on arrive à Port-Saint-Louis-du-Rhône, et donc là on a réussi. Et en parallèle, on savait que le financement participatif était réussi aussi. Et quand on s'est retourné, on s'est dit, ok, on a bien fait d'y aller. On en a vraiment chié, mais on avait un objectif, on l'a atteint. Maintenant, il y a un lieu qui a ouvert il y a 2 ans, plus de 2 ans, grâce à ce premier énorme effort qu'on a fait, parce que c'était quand même très très dur. On est toujours copains avec Bichon, ça c'est cool. Ça a permis de rencontrer Alain, qui est du coup associé au projet et fondateur. Les banques nous ont considérés après, parce qu'on a un apport de 20 000 euros à ce moment-là, alors qu'on partait de zéro. Il y a surtout 300 personnes autour qui ont contribué. Donc c'est une communauté, et c'est plus que de l'argent, ça peut être aussi des conseils, des compétences. Et donc le banquier, là, ce coup-ci, il regarde un peu différemment. Toujours, vous avez vraiment fait ça, c'est un peu bizarre quand même. Ah, mais vous avez de l'argent. Ah, ok. Chut, la porte qui s'ouvre. Et donc le plan de financement a été fait comme ça. Et si j'ai voulu vous raconter cette histoire, c'est déjà parce qu'il n'y avait pas grand monde, mais c'est surtout, c'est surtout que j'ai eu plein d'idées foireuses il y a longtemps. Je voulais par exemple une fois construire un vélo à voile et puis partir en tant que journaliste dans des pays comme ça étrangers. Ça a convaincu personne. La Terre, ça semble être une meilleure idée pour le coup. Et ce que je voulais vous partager ce soir, c'est que il faut être créatif, il faut être inventif, il faut pas avoir peur de surprendre, parce qu'en fait, moi je me suis rendu compte dans mon parcours d'entreprise et de vie qu'il y a plein de gens qui vont nous dire « oui, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est un peu fou, soit, mais si tu sais pourquoi tu le fais, si t'es vraiment motivé, ça coûte rien ». On se disait avec Romain, au pire, c'est 3 semaines entre nous, ce sera des super souvenirs, et c'est pas grave quoi, si ça marche pas. Il se trouve que ça a marché. Et donc, je pense que du Mékong, d'une aventure, on va pas dire pourrie, c'était super, mais avortée au Rhône, qui était une aventure un peu plus aboutie, il y a un petit fil qui a dû se tisser comme ça inconsciemment, de façon un peu plus préparée, un peu plus pro, parce que du coup, il y avait une finalité. Et je suis très content d'avoir fait, et je vous invite parfois se lâcher un peu plus, parce qu'il peut toujours se passer quelque chose derrière la petite porte qui semble fermée, mais si on enfonce un petit coup avec un grand coup de savate, ça peut marcher. Merci. Alors moi, l'histoire, elle commence il y a 6 ans à peu près. Je rencontre une jeune fille qui s'appelle Marie, qui est tétraplégique et qui cherche quelqu'un pour l'accompagner en vacances en famille en Normandie. Donc je l'accompagne pendant 2-3 semaines en Normandie. Ça se passe merveilleusement bien, je m'entends très bien avec toute la famille. Vraiment, c'est des vacances, même pour moi qui suis au travail, c'est des vacances. Du coup, après ces 3 semaines de vacances, on rentre. Mais je m'entends tellement bien avec cette Marie que je la revois un jour sur le campus. Elle continue ses études en géologie. Et moi, j'ai fait un break avec mes études, je suis un peu perdue, je suis en psycho, mais je sais pas trop où ça va. Bref, je fais une année sabbatique. Et Marie me dit, tu fais une année sabbatique, moi, à la fin de mon année, là, je dois faire un stage de fin d'études, master géologie, stage de fin d'études, j'aimerais le faire à l'étranger, et j'ai besoin d'une auxiliaire de vie avec moi. Est-ce que tu veux m'accompagner? Je sais pas encore où on va, je sais pas combien de temps on part, mais ça peut être cool, quoi. Moi, j'ai jamais voyagé à part les voyages scolaires, quoi, Angleterre, Allemagne, tout ça. Donc, je me dis, carrément, c'est trop cool. Enfin, il faut voyager dans la vie, ça ouvre l'esprit. C'est vraiment super important. Donc, je dis oui, bien sûr. Du coup, elle cherche les stages. Elle a le choix entre le Canada ou la Nouvelle-Zélande. Et puis, finalement, elle trouve un stage en Nouvelle-Zélande. Donc, dans l'idéal, elle voudrait partir 5 mois. Comme ça, elle a le temps de faire un long stage et en même temps, elle a le temps de voyager à travers le pays. Parce que oui, c'est pas parce qu'on est tétraplégique qu'on peut pas bouger un peu partout dans le pays. Donc là, c'est parti, on cherche les visas pour commencer. Donc moi, super facile, hein, j'ai moins de 30 ans, visa, vacances-travail, tout ça, facile. On part avec une deuxième auxiliaire qui est la maman de Marie, qui arrive aussi très facilement à avoir son visa. Mais là arrive le problème de Marie, qui ne peut pas avoir de visa. Pourquoi? On sait pas trop. Tétraplégie, c'est pas contagieux, hein, c'est juste un handicap. Il commence à nous demander des justificatifs médicaux assez improbables qu'il faut récupérer chez des médecins. Alors il y en a 3 en France, il y en a un à Paris, un à Bordeaux, un à Marseille. Donc on décide d'aller à Marseille qui est le moins loin. Donc on arrive à Marseille devant le cabinet du médecin. Et là on se rend compte que le cabinet est à l'étage 1,5 et qu'il y a une énorme marche à l'entrée. Donc sachant qu'un fauteuil électrique pèse 150 kg, on est obligé de monter au deuxième étage et de descendre Marie en la portant jusqu'à l'étage 1,5. Donc c'est assez compliqué. Tout ça pour récupérer un papier qui ne suffira finalement pas pour le visa. Donc, on est encore un peu énervé, mais bon, on se dit qu'on va y arriver, on va y arriver. On continue, et puis la Nouvelle-Zélande nous demande toujours de nouveaux papiers, improbables et plus improbables les uns que les autres, et qu'il faut envoyer par courrier, parce que par mail ça va trop vite, donc par courrier. Et bon, le problème c'est qu'on a une date butoir, on sait qu'on doit rentrer le 15 août. Donc si on veut partir 5 mois, il faut partir un peu tôt, quoi. Sauf que les mois avancent et que le 15 août est de plus en plus proche. Du coup, au bout d'un moment, on décide d'abandonner le visa vacances-travail pour Marie et du coup de partir seulement 3 mois parce qu'on a le droit d'avoir un visa touristique de 3 mois pour aller en Nouvelle-Zélande sans justificatif. Donc on part 3 mois avant le 15 août. Le petit souci aussi, c'est que Marie a un chien d'accompagnement. Du coup, on lui avait fait tous les papiers pour qu'elle ait son permis, la chienne, pour venir avec nous. Mais comme le départ se repoussait tout le temps, arrivé à la date butoir, on nous a dit « Ah, mais le permis, il est plus valable. En fait, les papiers sont trop vieux, les vaccins sont trop vieux, donc vous ne pouvez pas emmener votre chien. » Donc là, on s'est dit « Bon, est-ce que c'est un signe? Est-ce qu'il ne faut pas y aller ?» Non, on y va. Donc arrive le jour J, on va commencer à arriver à l'aéroport, à Paris, tout se passe bien. On arrive à Londres. L'aéroport de Londres est immense. On a 3 quarts d'heure pour traverser tout l'aéroport, prendre un bus, bref, avec tout le matériel médical de Marie, c'était assez intense. Mais on y est arrivé. De toute façon, les hôtesses de l'air, elles savaient qu'on devait arriver, donc elles ont un peu attendu, mais on arrive à temps. Après, escale à Singapour, puis on arrive à Sydney. Et alors là, Sydney, pour rigoler, Martine, la maman de Marie, demande « Bon, le fauteuil, il est toujours dans la soute à bagages, hein ?» Ben, on va aller voir. Et puis l'avion ne démarre pas, ne décolle pas, on comprend pas. Et puis une hôtesse de l'air vient nous voir et dit « Ben, on ne trouve pas le fauteuil électrique de Marie. » D'accord. Et ben, on ne décollera pas tant qu'on n'a pas trouvé où il est. Au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, il vient nous voir. On a un souci, le fauteuil, il est resté à Londres. Bon, très bien. On sent que le pays a quand même du mal à nous recevoir. Mais bon, c'est pas grave, on continue. On arrive à l'aéroport de Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. Et puis, un monsieur charmant nous accueille, nous dit « Mais pourquoi votre chien, il est pas avec vous ?»« Ben, parce qu'on n'a pas de permis. » »« Mais bien sûr que si, vous avez un permis. Regardez, j'ai tous les papiers en règle. » Bon, ben, un chien d'accompagnement qui n'est pas venu. Bon, ben, c'est pas grave, on fera ça. Et puis là, on va chercher nos bagages. Donc, pas de fauteuil. Mais sur 7 bagages qu'on avait, il nous en manquait 2. Et c'était les 2 miens. Donc comment dire, je n'avais pas de vêtements du tout. Arrivé en Nouvelle-Zélande, c'était un peu la galère. Mais bon, on nous a bien accueillis, on nous a donné des vêtements et tout pour les premiers jours. Au bout de 3 jours, le fauteuil arrive enfin. Donc Marie peut enfin rouler normalement avec son fauteuil. Ah oui, arrivé à l'appartement dans lequel on vivait, on s'est rendu compte qu'il y avait une marche à l'entrée aussi. Donc là, on s'est dit, bon, ça fait un peu beaucoup. Mais la propriétaire a mis une rampe directement. Donc voilà, on commence un peu notre train-train quotidien, on découvre le stage de Marie, le maître de stage, il est adorable, il est voilà, très accueillant, il parle un peu français, il y a d'autres personnes qui parlent français dans son stage, donc c'est pratique. Donc le train-train quotidien peut enfin commencer. Et puis là, la première ou deuxième semaine, je ne sais plus, un jour on était dans l'appartement, on habitait au 9e étage, et on entend une grosse voix qui disait en anglais « Attention, attention, évacuation, évacuation ». Et là je me suis dit « Mais... qu'est-ce qu'on fait ?» Donc on était obligé de descendre les 9 étages. Mais comme c'était une évacuation, les ascenseurs ne fonctionnaient pas. Du coup, j'ai dû descendre Marie à bout de bras comme ça sur 9 étages. Ça faisait rire tout le monde dans l'appartement, dans l'immeuble. Et il se trouve que ça s'est passé une deuxième fois la même semaine. Donc la deuxième semaine, c'était plus facile quand même. Enfin bref, donc toutes ces péripéties pour en arriver à un voyage finalement qui était merveilleux. Marie, elle avait 4 journées de stage dans la semaine. Donc après, on avait des week-ends de 3 jours. Moi, assez vite, l'appel de la musique était trop fort, donc je me suis inscrite dans 2 chorales de musique là-bas, une chorale de gospel et une chorale de musique du monde. Donc j'ai fait beaucoup de rencontres qui étaient merveilleuses, des gens super accueillants. J'ai même fait un concert avec eux, donc je peux me le péter en disant que j'ai fait un concert en Nouvelle-Zélande. Et ça, je trouve ça plutôt classe. Et voilà, donc tout se passe bien, le stage se passe bien. Il y a des gens qui travaillent avec Marie qui sont aussi avec moi dans la chorale, donc... des liens se créent un peu partout. On visite des endroits merveilleux parce que la Nouvelle-Zélande, hein, c'est un pays magnifique. Et puis, vers fin juillet, par là, il y a le frère de Marie qui nous rejoint parce que moi, je vais rester un mois de plus qu'elle. Donc, pour le retour, ils ont besoin d'une deuxième personne. Et lui, il avait envie de voir la Nouvelle-Zélande, donc il nous a rejoint. Et il se trouve que là, Marie commence à être un peu faible. Elle n'arrive pas trop à rentrer toute seule avec son fauteuil. Il faut l'aider un peu à pousser le fauteuil. Comme c'est l'hiver en Nouvelle-Zélande, il fait froid. Elle met de plus en plus de temps à se réchauffer. On commence à s'inquiéter. Mais bon, elle ne veut pas avoir de médecin. Bon, on continue. Elle a 30 ans. On n'a pas le droit de la forcer à avoir un médecin. Donc, on continue. Un jour, on remarque qu'elle a la langue noire. Mais elle, ça ne l'inquiète pas. Nous, on commence vraiment à s'inquiéter. Mais elle ne veut pas avoir de médecin. Donc on ne l'oblige pas à avoir le médecin. Et puis un jour, c'est moi qui la levais, et puis je commence à lui parler et je me rends compte qu'elle ne répond que par oui, par non, qu'elle comprend tout ce que je dis mais qu'elle est incapable de parler. Et là, c'est la panique. Enfin, clairement, quelqu'un qui ne peut plus parler mais qui comprend tout et on sent la panique dans ses yeux. Bon, bah, on est directement aux urgences, quoi. Et puis là, arrive un nouveau problème, c'est que même si on a commencé à s'améliorer en anglais, le jargon médical, on ne le connaît pas. Donc, comprendre les médecins, c'est compliqué. On a vraiment compris qu'elle avait une chute d'hémoglobine au niveau du cerveau. Il n'y avait plus assez de sang pour oxygéner le cerveau, donc elle ne pouvait plus parler. Donc, si on l'avait amenée 2 jours plus tard, ça aurait été fatal. Heureusement, on l'a amenée à temps. Donc là, le problème, c'est que la fin du voyage de Marie approche. Bientôt, son visa sera plus bon, mais elle ne peut pas rentrer en France parce qu'elle n'est pas stable. Donc, on attend qu'elle se stabilise. On passe des nuits assez horribles à s'alterner à l'hôpital avec la mère de Marie. Heureusement, le frère de Marie est là pour nous soutenir et pour nous amener un peu de bonheur, de joie, de réconfort, parce que les nuits à l'hôpital sont rudes. Et puis, j'ai une amie qui était en Australie, qui nous a rejoints en Nouvelle-Zélande, parce qu'après, je devais faire un mois de voyage avec elle. Donc elle aussi, elle m'a mis un peu du baume au cœur, elle m'a permis de voir cette difficulté autrement, parce que finalement, Marie était avec sa maman, son frère, elle était en famille, et puis moi, j'étais toute seule, à 20 000 km de ma famille, et c'est une solitude comme je n'ai jamais connue. Mais il fallait être là, il fallait être debout, il fallait se battre pour que Marie aille bien, donc il fallait sourire, il fallait que je fasse mon boulot, et puis voilà. Donc on attendait que Marie aille mieux, et en attendant, on gardait le sourire. Et puis un jour, Marie a été assez stable, et elle a pu être rapatriée en France. Et je vous avoue que, égoïstement, moi j'ai un poids qui s'est levé, et genre, c'est bon, j'ai plus besoin de m'en occuper, si je vais pas bien, je peux pleurer, elle est pas là, je peux pas voir. Et puis du coup, là moi je suis partie dans l'île du Sud, j'ai loué un van avec mon amie Zoé, on a fait le tour de l'île du Sud, on a vu des baleines, on a vu le Mont Cook, on a vu des glaciers, on a vu des choses merveilleuses, on allait se promener dans des bouches. Vraiment, cette île est merveilleuse. On a fini bien évidemment le voyage par un magnifique match des All Blacks contre l'Afrique du Sud, évidemment. Je ne pouvais pas aller en Nouvelle-Zélande et ne pas avoir un match comme ça. Et pendant toute cette aventure dans l'île du Sud, évidemment, je demandais des nouvelles de Marie, qui allait de mieux en mieux. Sa maman était un peu tombée malade, mais voilà. Donc, arrivée en France, la première chose que je fais, c'est d'aller voir Marie, c'est d'aller voir sa maman, et de les voir se rétablir petit à petit. Aujourd'hui, on est 5 ans après. Il y a un mois, j'ai fêté les 35 ans de Marie. Tout va bien. Elle est en pleine forme. Sa maman est en pleine forme. On est très heureuse de se voir maintenant, même si le voyage a été à la fois le meilleur, mais aussi le pire de ma vie. Donc c'était une aventure assez folle. Mais grâce à ce voyage, j'ai rencontré d'autres personnes qui voulaient voyager. Je suis partie avec une autre personne stratégique en Californie. Après, je suis allée à Londres, je suis allée à Amsterdam. J'ai pu faire énormément de voyages. J'ai vu des choses merveilleuses. Donc je ne regrette absolument rien. Il faut toujours saisir les occasions qui nous sont apportées comme ça. Et puis voilà, profitez de toutes les occasions. Bonsoir. C'est pas vraiment un voyage, mais c'est une aventure que j'ai vécue à Grenoble il y a maintenant 7 ans. Du coup, c'est déjà 7 ans, c'est très rigolo de la raconter maintenant. Parce que quand je me suis remis en tête mon expérience, je me suis demandé pourquoi j'avais fait ça. Et je sais pas. Des fois, on fait des choses sans réfléchir. Il y a 7 ans, donc en avril 2012, je me suis mis en tête de passer un mois en fauteuil roulant. En fauteuil manuel, toute ma vie quotidienne, pendant un mois. J'avais 2 objectifs. Le premier, c'était de tester l'accessibilité de Grenoble, parce que j'habitais là-bas à ce moment-là. Et le deuxième objectif, c'était de vivre un peu la différence de regard des autres. Parce que comme en vrai, j'étais valide, je pouvais faire facilement la différence. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Il y a quand même un petit parcours derrière qui fait que ça avait du sens au moment où j'ai eu cette idée un peu folle. En fait, quand j'étais adolescente, j'avais un syndrome psychosomatique qui faisait que quand j'avais des sensations très fortes, j'arrivais pas à les gérer, et donc j'avais des douleurs aux jambes assez puissantes qui faisaient que j'étais en béquille quand vraiment j'avais trop mal. Et du coup, pendant plusieurs années, j'ai fait des périodes en béquille plus ou moins longues, et comme j'avais mal des fois la jambe gauche et des fois la jambe droite, je boitais pas de la même jambe. Et donc, j'ai vécu les problèmes d'accessibilité, parce qu'en béquille, c'est compliqué, et surtout le regard des autres, où je me souviens des pionnes du collège qui ne me croyaient pas quand j'avais mal, parce qu'en même temps, je les comprends. Hein. Voir une jeune qui boite un jour à droite et une jeune qui boite l'autre jour à gauche, c'est juste... c'est pas réaliste du tout, quoi. Donc j'avais ça un peu en tête. Et puis quand j'ai commencé à être à la fac, je me suis engagée en tant que bénévole dans une asso avec Caro. C'était une asso étudiante, qui existe toujours d'ailleurs, qui mettait en place des activités entre personnes handicapées et personnes non handicapées. Donc on faisait du handi-hockey par exemple, on était tous en fauteuil dans un gymnase à faire du hockey. On avait un groupe de musique, on faisait des ateliers bien-être. Et donc cette question-là, à nouveau, du handicap, mes potes étaient en fauteuil en fait. Du coup, ça a commencé à revenir dans ma tête. Et puis pour en rajouter une couche, à ce moment-là, j'étais aussi auxiliaire de vie pour personnes handicapées le week-end à côté de mes études. Donc le handicap était ma vie. Et dans cette asso, en fait, on mettait en place des activités de sensibilisation, notamment l'accessibilité, où on faisait des ateliers, essaye de te mettre en fauteuil, faire un parcours dans la rue, tout ça. Moi, j'animais ces ateliers-là, mais en fait, j'avais besoin de vivre les choses, en fait, pour mieux en parler. Et donc, j'ai décidé comme ça, en mars, vas-y, je fais un mois en fauteuil, et comme ça, au moins, je saurai un peu mieux ce que c'est. J'en parle au président de l'association, qui est lui-même... pour de vrai en fauteuil, qui est paraplégique. Et en fait, j'avais besoin qu'il me valide mon projet, parce qu'en tant que personne valide, j'avais besoin que ce soit soutenu par des personnes qui étaient vraiment handicapées, parce que ça peut être quand même un peu mal interprété de la fille qui arrive à marcher et qui s'amuse à vivre un mois en fauteuil. Il a adoré le projet, et en 3 jours, il m'a trouvé un fauteuil, parce qu'il y avait quand même... ou trouver un fauteuil quand on n'est pas handicapé, c'est quand même un peu particulier. Et il y a une entreprise en fait qui en louait et en vendait, qui a adoré le projet, et du coup on a prêté un pendant un mois. Donc on arrive début avril 2012, et c'était un lundi, et je commence ma vie en fauteuil. J'avais prévenu très peu de personnes. Ma famille était au courant, même s'ils n'habitaient pas à Grenoble, histoire de partager un peu ce que je vivais. Et mes amis très proches étaient au courant, histoire que je ne sois pas traumatisée. À cette époque, j'étais en fac de psycho, avec des promos de 200 personnes, donc autant vous dire qu'on voit les gens, mais on ne les connaît pas vraiment. Et je ne dis rien à personne, ni à mes profs, ni à mes collègues. Bon, la chance faisait que je m'étais cassé la gueule, je ne sais plus pourquoi, pas longtemps avant, du coup j'avais été en béquille, donc j'ai juste dit aux... quelques personnes qui m'ont demandé, en fait j'ai un problème de santé, on sait pas trop, et du coup j'ai besoin de me reposer, donc je vais faire un mois en fauteuil. Les gens n'ont pas posé plus de questions que ça. Il y a même des personnes, et je crois qu'aucun de mes profs m'a demandé ce que j'avais, alors que quand même j'étais en fauteuil. Et j'ai commencé mon mois comme ça, donc je faisais toutes mes journées en fauteuil, à part les week-ends quand j'étais auxiliaire de vie, parce que sinon, techniquement c'est pas possible. Et le soir chez moi, parce que mon appartement était pas accessible d'une, et de deux, il fallait absolument que je marche, parce que à la fin de la journée, en fait, le sang passe beaucoup moins dans les jambes, parce que je faisais en sorte de pas bouger mes jambes pour que ce soit à peu près réaliste, et les muscles des jambes en fait diminuent très très très rapidement, donc il fallait que je bouge quand même un peu. Et voilà, et pendant ce mois-là, je me suis filmée tous les soirs. Je racontais devant ma caméra pendant 10 minutes, un quart d'heure, ma journée, ce qui m'était arrivé, les trucs chelous que j'avais vécu, que je n'avais pas anticipé. Et à la fin du mois, j'ai ouvert un blog qui est encore visible, qui s'appelle Un regard sur quatre roues. Et donc là, j'ai dit à tout le monde, fait une page Facebook pour dire en fait tout va bien. En fait, c'était trop du fake. Je me suis amusée un mois en fauteuil et donc j'en ai parlé à beaucoup de monde. Et pendant tout le mois de mai, en fait, j'ai publié une vidéo par jour, donc avec un mois de décalage, pour que les gens puissent voir et écouter ce que j'avais vécu. À côté de ça, alors c'était pas hyper réfléchi hein, tout ça, mais je me suis dit je vais quand même faire un petit communiqué de presse pour faire connaître ce que j'ai vécu, parce qu'en fait il n'y avait pas grand monde qui passe un mois en fauteuil comme ça juste pour tester des trucs. Et donc en me disant bon, peut-être ça intéressera des gens, puis en fait ça a intéressé des médias locaux, j'ai pas compris pourquoi, et puis après ça a intéressé des médias nationaux, puis après ça a commencé à interroger un peu les acteurs publics quand même de Grenoble, parce que j'étais en train de dire que c'était accessible, mais quand même les gars, il y avait des trucs, ça n'avait pas de sens. Et du coup, j'ai pu avoir la chance de discuter avec les responsables du tram, les responsables liés à l'accessibilité de l'aile de Grenoble. Notamment parce que, alors ça c'était un petit truc que j'avais pas anticipé du tout, c'est que donc, Grenoble est connue pour être la première ville accessible de France. Et quand on y vit et qu'on a l'habitude, on ne se rend pas trop compte. Et notamment, le tram est le premier tram en France accessible. Et donc, il est exemple pour toutes les villes qui veulent mettre en place des trams. Parce que vous n'avez pas de marche ou de trou, en fait, entre le quai et le train, enfin, le tram. Et, sauf que la première fois que j'ai pris le tram toute seule, les gars n'avaient pas anticipé que tu peux prendre le tram toute seule, mais tu ne peux pas payer ton ticket. Parce que le guichet, il n'est pas accessible en fait, tu n'y accèdes pas tout seul. Donc forcément, quand j'avais des journalistes qui me disaient « Ah là là, qu'est-ce qui vous a interpellé à Grenoble ?» C'était le premier truc que je disais, parce que vraiment, c'était... Genre pour moi, c'était pas cohérent. Et l'entreprise de tram n'a pas été très contente. Du coup, ils m'ont dit « Ils auraient bien aimé que j'en parle avec eux avant, mais en fait, moi, à cette époque-là, j'avais même pas 20 ans, je réfléchissais pas à l'impact en fait que ça pouvait avoir. » Il s'est avéré qu'après, ils ont fait un nouveau tram, et que le guichet est entièrement accessible, et du coup, je suis super contente. J'ai au moins fait changer ça. J'ai pas fait changer le reste, mais j'ai au moins fait changer ça. Et donc, à la fin de mon mois, j'ai pu confirmer que Grenoble était hyper accessible, parce que j'arrivais quand même plutôt bien à faire ma vie toute seule, à peu près. Et que les gens étaient hyper bienveillants. J'étais tout le temps aidée, en fait. Je sortais du tram, les gens me laissaient passer, j'avais besoin d'un truc, parce que alors, essayer de faire vos courses quand vous êtes en fauteuil, c'est impossible en fait, tout seul. Et les gens m'aidaient, enfin, c'était assez fou. Et je l'ai notamment vécu la dernière soirée de mon mois, en fauteuil, je me suis dit, la dernière soirée, je vais en boîte. J'ai trop envie d'aller en boîte en fauteuil en fait. Et du coup, je suis allée en boîte en fauteuil, alors je m'étais assurée que la boîte où je voulais aller était accessible, parce que sinon ça aurait pas été très loin. Et c'était génial. Et j'étais pote avec tous les gens de la boîte en fait. Et un quart d'heure après, on arrive et tout. À un moment donné, je vais au coin fumeur, je vais fumer. Là, il y a le directeur de la boîte, le patron de la boîte de nuit arrive. T'inquiète, je t'ai vu, les gars de la sécu, ils savent que t'es là, tout va bien. Et nous, j'étais surveillée pour vérifier que tout allait bien. Et c'était super chouette. Ouais. Et puis après, je me suis dit, ok, très bien, la soirée se passe bien, il est 1h30, 2h. Maintenant, on sort, je vais mettre mon fauteuil dans la voiture et on va finir la nuit debout. On va être dans une autre boîte parce que sinon, les gens ne vont pas comprendre, ça va trop les faire peur. Du coup, on change de boîte et là, je voulais en une demi-heure voir la différence. C'était un peu violent. En fait, je suis arrivée dans une boîte, donc j'étais à nouveau debout. C'était la première fois en un mois que j'étais debout, entourée d'inconnus. Pendant un mois, les gens avaient été hyper sympas avec moi. Ben là, on m'a pris pour un morceau de viande, quoi. Enfin, une boîte de nuit, les trucs les plus horribles, les gens me poussent, les mecs me mettent des mains au cul, enfin, genre zéro respect. Là, je fais ok, super. Je suis entrée un peu, c'était un peu dur. Parce que je me suis dit, ok, en fait, le regard des autres, il est plus sympa quand j'étais en fauteuil, et ça, c'est cool, mais c'est pas normal. Ça, c'était à Grenoble. Et puis après, je me suis dit, bon, on dit que Grenoble, c'est accessible. Mais moi, je connais que Grenoble, en fait. Du coup, je me rends pas compte, c'est comment ailleurs. Donc j'ai voulu continuer les aventures. Et l'été 2012, je suis partie 2 semaines avec donc le président de l'asso qui m'avait soutenue, qui est lui-même en fauteuil. Donc on est parti lui en fauteuil, moi debout. On est parti 2 semaines en août, on a fait 5 villes de France. Je ne sais pas comment on a fait le marathon. 3 jours par ville. Lyon, Dijon, Paris, Rennes et Nantes. 3 jours à chaque fois, on testait l'accessibilité, on allait se balader, enfin voilà, en mode touriste, quoi. Alors déjà, être touriste en fauteuil, c'est compliqué. Parce que vous savez pas ce qui est accessible, ce qui n'est pas accessible. Il n'y a pas toujours des... L'office du tourisme ne met pas toujours des choses en place. À chaque fois, on avait un France 3 qui nous accueillait. On faisait des petits reportages sur l'accessibilité des villes. Et on s'est rendu compte, du coup, que vous voyez l'accessibilité d'une ville au nombre de personnes handicapées que vous croisez dans la rue. À Grenoble, vous en voyez tous les jours. Mais que des gens en fauteuil. À Nantes, vous en voyez tous les jours. Mais que des personnes aveugles. Parce qu'ils ont vraiment poussé l'accessibilité pour les personnes aveugles. À Dijon, 1 personne en 3 jours. Et je sais même pas comment 2, parce que vraiment c'est horrible. Lyon, c'était pas trop mal. Et en fait, plus une ville est accessible, plus vous voyez des personnes handicapées, parce qu'en fait à Grenoble, c'est le cas, il y a beaucoup de personnes en fauteuil qui viennent vivre à Grenoble parce que c'est accessible et parce qu'il y a tous les services de santé adaptés. Et du coup, plus les gens sont cool aussi. Et moi, les gens vous regardent comme si. Comme à l'ancienne, quoi. Les gens sont fous parce qu'ils sont handicapés. Donc voilà. Et pour terminer, parce que vraiment, à la fin, il m'est arrivé un truc drôle et pareil, je me suis dit, vas-y, je teste, parce que vraiment, là, on est au summum du truc. En fait, mon expérience a été pas mal relayée dans les médias locaux et nationaux, parce qu'une fille qui se met à moi en fauteuil. J'étais hyper heureuse parce que j'étais vachement soutenue par des personnes handicapées que je connaissais pas un peu de partout en France. Et ça, c'était hyper important pour moi qu'elles ne se sentent pas... qu'il n'y ait pas quelqu'un qui prenne leur place. C'était important pour moi de montrer aussi aux gens que je ne prenais pas la place d'une personne handicapée. Je me mettais juste en fauteuil. J'étais un auxiliaire de vie à côté. Donc je savais très bien ce que c'était la vie quotidienne d'une personne handicapée. Il n'y avait personne qui me torchait le cul le matin ou le soir. Donc je ne vivais pas comme une personne handicapée. Et puis un jour, sur ma page Facebook, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, un message d'un journaliste, de Closer. J'ai pas compris. Je me suis dit, alors comment, pourquoi, je sais pas. Et en fait, il avait lu le Dauphiné Libéré, le journal de Grenoble. Donc ils prennent leur source quand même des journaux locaux, les gars. Et il était hyper intéressé par mon histoire. Et alors moi, franchement, Closer, c'était pas vraiment mon journal de chevet. Mais je me suis dit, il y a tout le monde qui dit qu'ils abusent dans leurs histoires, qu'ils augmentent, que c'est pas réel. Ben, je vais tester. Je vais voir, je vais raconter mon histoire et comme ça, en fait, je vais voir pour de vrai s'ils augmentent la réalité ou pas. Je fais 1h30 de shooting photo, c'était horrible. Un dimanche matin sur le campus de Grenoble, enfin, ça n'avait aucun sens. Et après, j'ai le droit à ma double page sur Closer quand même. Donc j'avais bien dit que je ne vivais pas comme une personne handicapée, hein. Je ne voulais pas prendre la place des gens. Je testais vraiment la mobilité réduite, on va dire. Les gars, le titre, c'est « Pendant un mois, elle a vécu dans la peau d'intouchable ». Ah, tu fais « Ok, d'accord ». Alors les gars, vous avez rien compris. J'avais dit que ma mère était venue quelques jours et elle m'avait aidée, notamment pour aller à laverie, parce que la laverie, c'est pas accessible. Quand tu mets tes pièces à 1m80, laisse tomber. Les gars, on dit, pendant une semaine, sa mère a fait l'auxiliaire de vie. Mais non, j'ai pas dit ça, quoi. Donc je confirme, pour conclure, que Closer, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Un grand merci à Sam, Caroline et Justine pour avoir accepté de partager leur récit. Et merci au staff de Alter Hostel d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, iTunes et les applis de podcast dédiées. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et un pouce bleu sur YouTube et de partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.